Donc, Galates, chapitre 6, on est au verset 1 à 10. Et on va ensemble continuer à regarder ce qu'on a commencé. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Au verset 10, qu'on avait vu ensemble. Donc, pratiquons le bien, on avait vu ensemble un peu la dernière fois que dans notre tête, pratiquer le bien, c'est peut-être pas la même connotation que ce que les autres disaient, de ce que ça veut dire pratiquer le bien. Et on a vu ensemble que la première façon de pratiquer le bien entre frères, là on va se limiter à ça, entre frères, je crois que c'est le même bien envers les inconvertis, mais avec une approche peut-être un petit peu différente, avec un doigté différent qu'avec les frères, parce que les autres ne s'attendent pas à ce qu'on va leur dire ça. Les frères devraient s'attendre à ça, parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours en tant que chrétien. C'était de reprendre le frère. Si on surprend un frère qui est en faute ou une sœur qui est en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. On a vu ça ensemble la semaine passée. Et on va continuer cette étude-là de pratiquer le bien. Et des fois, j'ai dit une fois à l'église, des fois on est dans l'église et on se demande si certains frères et sœurs sont sauvés à cause de leur comportement, de leur action. Et des fois on voit des gens qui ne sont pas dans l'église et on se demande s'ils ne sont pas sauvés à cause de leur action. Donc on est comme des fois mélangé dans notre affaire. Et j'ai vu combien de chrétiens se posent la question à savoir si Mère Teresa était chrétienne. Ça, je m'attends toujours l'exemple, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît. Parce qu'elle avait des actions tellement spirituelles. Puis des frères qui sont à l'intérieur de l'Église, je lisais un article aujourd'hui dans le petit papier que la Bonne Nouvelle nous a envoyé, et d'un frère qui parle... un frère, en tout cas, il se dit frère, je ne peux pas dire qu'il ne l'est pas, parce que lui, il dit qu'il l'est, et il écrit une lettre à l'heure de la Bonne Nouvelle, puis il les remercie de l'émission, mais il les remercie de la prison, parce qu'il était en prison pour une grande partie de sa vie. Ce qu'on se posera en tant que chrétien, c'est qu'est-ce qu'il fait là en prison, un chrétien? T'sais, on pourra se poser la question. Mais il est peut-être devenu chrétien après sa faute. Le texte ne le dit pas. D'accord. Le texte ne le dit pas, OK? Et peut-être... Je serais bien heureux pour lui s'il serait dû au Seigneur là. Mais je me souviens de John MacArthur, une des premières fois que je l'avais vu, il avait dit qu'il avait un frère. Lui, il allait prêcher dans les prisons, puis il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Il dit, moi je sais que j'étais un frère, mais dis-le pas pendant tes titres. En voulant dire, c'est pas digne d'un frère d'être en prison. C'est pas un bon témoignage d'être en prison pour un chrétien. C'est tout. Donc ça, c'est l'approche qu'on entend à part du temps. Tu sais, on dit tout le temps, on sait d'avoir un bon témoignage. Mais qu'un chrétien dit, moi je suis chrétien, mais je suis en prison, tu n'as pas vécu ta vie chrétienne. Parce que dans la mentalité, un chrétien, ça fait une bonne vie. Hein? Dans la mentalité, un chrétien, ça fait une bonne vie. Puis si tu fais une bonne vie, normalement, tu ne devrais pas être en prison. Tu sais, c'est normalement. Et c'est la mentalité qu'on a un petit peu dans notre arrière-plan. Et dans notre folie du péché. C'est notre pensée. Que le bien pour le croyant, c'est une capacité de s'abstenir du mal, de faire le mal. Et je ne suis pas toujours sûr que c'est ça la question pour moi. Pas toujours sûr. Oui, je crois que le chrétien doit tout faire pour éviter le mal. J'ai assez vécu assez longtemps dans les églises pour savoir qu'on ne réussit pas tout le temps. Pas aussi bien qu'on voudrait. C'est pour ça qu'on voit tellement de chicanes, de problèmes, de divorces, de toutes sortes de problèmes dans les églises, des divisions, des chicanes. J'avais raconté une inconvertie à Rouen qui avait dit, vous vous multipliez, vous autres, en vous divisant, vous ne savez pas quoi vous entendre. À Rouen, c'était un fait, c'était comme ça. À Rouen, ça avait divisé par division. À toutes les 7-8 ans, il y avait une division dans les églises à quelque part. Donc, dans les églises évangéliques, je parle en général. Donc, et c'était un fait. Et pour l'inconverti, il regarde ça. L'inconverti, il regarde ça. Puis il se demande si on est des chrétiens parce que notre vie n'est pas correcte. Tu vois, ça, c'est la mentalité. Donc, quand on vient au Seigneur, on vient avec cette mentalité-là dans notre tête. Puis c'est bien dur de s'en débarrasser des fois, je dirais. Okay. Veille de s'en débarrasser de cette pensée-là. Et ici, le texte dit, si tu veux pratiquer le bien vers ton frère ou ta soeur, une des choses que tu dois faire, c'est le reprendre quand il fait une faute. Deuxième chose, au verset 2, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est la deuxième chose. Portez le fardeau les uns des autres. Fardeau, à quoi vous pensez quand vous pensez fardeau? Un poids sur les épaules. Un poids, quelque chose de pesant. Hein? Oui. Qu'est-ce, d'autres choses que vous pensez quand vous pensez fardeau? C'est dur, c'est fatigant. Moi, je pense épuisement quand je pense fardeau. Ça m'écrase, c'est pesant à la longue, c'est pesant. Puis finalement, tu marches courbé, puis c'est épuisant, un fardeau. C'est épuisant. Et il dit que il prend pour acquis que les chrétiens vont en avoir. Puis il dit portez le fardeau les uns des autres. Donc, il va y avoir une réciprocité. Et moi, ce que j'aime, c'est que j'ai pas besoin de croire que je suis seul à avoir des fardeaux. Tout le monde en a. Qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas. Je m'en fiche. La Bible dit qu'on a tous. Oh, parce qu'il dit, comme il dit, pardonnez-vous mutuellement, c'est parce que tout le monde fait des péchés, on doit se pardonner. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que c'est un fardeau? Où est-ce qu'ils viennent, ces fardeaux-là? Comment est-ce qu'on se les met sur le dos? Est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas libérés? Est-ce qu'il ne nous a pas enlevé notre fardeau? Comment est-ce qu'ils viennent là, ces fardeaux-là, en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font là, d'abord? Est-ce que c'est normal d'en avoir? C'est la question que je me suis posée. Le texte ne répond pas vraiment. Mais s'ils disent les porter, ça doit être assez normal d'en avoir. Je présume qu'il c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas que c'est... Ouais, c'est normal, le mot normal ne veut pas dire correct. Là. Je ne pense pas que c'est ça qu'elle veut dire. Hein. Toi, tu penses que c'est ça? C'est pas correct d'en avoir, mais ça fait partie de la vie de n'en avoir. C'est vrai qu'il a dit, comme ne vous inquiétez de rien, bon, dans le fond, on ne devrait pas être chargé épais de... Jésus a dit, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Mais il en avait un. Oui, mais il dit, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me le porter. C'est Jésus qui porte ce fardeau-là. Ah, oui. Jésus dit, mon fardeau, partage mon fardeau, prends mon joug, il est léger. Fait que s'il est léger, je n'ai pas vraiment besoin de toi pour le porter. Mais ici, il encourage les frères et sœurs à porter le fardeau les uns des autres. Parce qu'il sait qu'on va en avoir des fardeaux. Ces fardeaux-là, ça serait-tu les circonstances négatives de la vie, les choses, les circonstances comme la souffrance? Je ne suis pas sûr qu'il parle de ça ici. Moi. Ah non? Je suis pas sûr qu'il parle de ça. La souffrance? Ramenons-nous dans le contexte d'Épître aux Galates. On est dans un contexte d'Épître aux Galates. On n'est pas dans le contexte de François en 2007. Là. D'un côté des pétrole, qu'est-ce qui vivait eux autres? Qu'est-ce qui cause le fardeau? Qu'est-ce qui cause des fardeaux? C'est pas les circonstances, parce que vous savez comme moi, les circonstances, on peut être les deux dans la même circonstance. Pour un, ça va être un fardeau, puis l'autre, ça ne sera pas un fardeau. La circonstance n'est pas un fardeau. Non, c'est pas ça qui fait que c'est un fardeau. Le péché. Ma façon de faire face à l'événement peut faire que ça va devenir un fardeau. Mais je crois qu'il parle ici, pour moi, le fardeau vient de la loi. C'est la loi qui met le fardeau. Puis Jésus dit, vous mettez des fardeaux aux pharisiens, sur les gens. Vous mettez des fardeaux très pesants sur les gens. Mm. Puis ça, pour moi, ça va mieux avec le contexte de Galates, parce qu'ils veulent retourner à la loi. Mm. Ils veulent se mettre sous le joug de la loi, encore une fois. Il dit, quand vous portez les fardeaux les uns les autres, puis là, il dit, vous accomplirez ainsi la loi de Christ, qui est de vous aimer les uns les autres, qu'on avait vu dans le chapitre 5. Hein. Donc, la loi de Christ, elle enlève le fardeau. Si vous pratiquez envers moi la loi de Christ, vous m'aidez à porter mes fardeaux, si moi je les mets en pratique envers vous, je vais vous aider à enlever ces fardeaux-là. Parce que la loi a tendance à mettre de pesanteur sur nous autres. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'arrive pas à la faire, la loi. Je disais hier à Randel, mettez n'importe quelle règle dans votre vie. Vous êtes certain que vous allez la manquer. Vous allez la manquer. Vous ne réussirez pas à faire. Combien de fois vous avez dit, je ferai tout ça pour faire ça? Je fume plus loin. Non, non, je comprends ça. Je comprends ça. Mais je crois pas qu'on a réglé le problème. En tout cas, ça serait une autre grande discussion. Mais pour moi, la règle qu'on se met sur nous, on n'est pas capable. Là, je parle de règle morale. Je sais bien que si je dis je ne mettais plus mes lunettes sur le frigidaire, je peux bien arriver à plus les mettre sur le frigidaire mes lunettes. Mais je parle de loi morale, c'est spirituel. Okay? Que ma chair ne peut pas dealer avec. Et ça l'écrase. Cette incapacité de faire ce que je pense que je devrais faire. Mm-hmm. Et ça met un fardeau sur moi. Comme Paul quand il dit je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je veux faire. Ça rejoint un petit peu dans cette idée-là, mais souvent c'est nous qui croyons que Dieu veut qu'on fasse certaines choses. Moi, en tout cas, j'ai fait des choses dans ma vie chrétienne que je t'assure que c'est Dieu qui me demandait. C'était un fardeau pour moi, je le faisais parce que j'étais convaincu que c'est ça que Dieu voulait que je fasse. Mais je me suis aperçu à travers les années que c'était pas ça que Dieu me demandait. Mm. Donc je m'étais mis un fardeau sur le dos moi-même à ce moment-là. Des fois, ça peut être quelqu'un d'autre qui nous met un fardeau sur le dos, qui nous oblige à avoir un certain standard ou certaines capacités qui n'est pas vraiment ce que Dieu s'attend de moi. Et comment j'ai vu des chrétiens être écrasés par certains fardeaux parce qu'ils croient qu'ils doivent performer. Ils ont besoin, de performer pour plaire à Dieu, pour que Dieu les accepte, pour que Dieu les aime. Ils doivent performer, si on peut employer le mot, par amour pour Jésus-Christ. Ça, c'est pas un fardeau. Pas un fardeau, ça. Mais si je performe pour être aimé, ça devient un fardeau. C'est toujours un fardeau, automatiquement. Mais peu importe comment on l'analyse, un fardeau, c'est quelque chose qui nous écrase, qui nous assomme, qui nous ralentit, qui nous courbe. Et je dois y faire face avec toi, avec toutes nous autres, avec la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est l'amour, il n'y a pas d'autre chose, c'est juste ça. Et là, l'amour, je dois le définir comme 1 Corinthiens 13, hein, on le définit comme 1 Corinthiens 16. Ouais. Donc, l'amour, c'est ça, là. C'est, je ne parle pas de l'amour contemporain qu'on chante là, à la radio, je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour d'1 Corinthiens 13. Je dois t'aider à porter ton fardeau avec amour. Donc, ça veut dire quoi? Ça, comment on fait ça? C'est pas toujours évident à définir. C'est pas toujours la même. Ça ne veut pas dire la même chose pour nous. Quand je veux t'aider à porter ton fardeau, je dois aller avec l'amour, mais ma façon d'aimer peut-être est différente de la tienne. Mais je veux t'aider à porter ton fardeau. Peux-tu aussi c'est répondre aux besoins? C'est une question. Fardeau, besoin. Si ton besoin est un fardeau, si tu as un besoin et ça t'écrase, tu n'arrives pas, je peux aller t'aider. Okay? C'est une façon. Ça pourrait être de combler un besoin. Oui, c'est avec l'amour. Je dis, ben, écoute, je vais t'aider dans ce sens-là, puis ça va enlever un fardeau. Okay? Donc, je crois que. Peu importe comment on le définit, que ce soit un fardeau, même si on dirait que c'est un fardeau dans les moments difficiles de la vie, ça sera encore avec la loi de Christ qu'il faudra aller faire ça. Notre façon, des fois, c'est de... Le fardeau, c'est qu'on veut l'enlever, non pas avec l'amour de Christ, mais avec l'amour humain. C'est pas grave. C'est là tout le monde. Ça aurait pu être pire. ça n'enlève pas les fardeaux, ça. Il faut faire attention de ne pas donner une pilule à la personne. Un médicament qui va... Qui va lui faire penser qu'il n'est plus malade, mais il est encore malade. Il ne faut pas lui donner un placebo, comme on dit des fois. Placebo. Placebo. Les infirmières sont ici, ils comprennent ce que je dis. Un placebo. Il faut faire attention parce que la personne peut, avec un placebo peut se sentir bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Mais il faut enlever le fardeau ou porter le fardeau parce que vous remarquez qu'il ne l'enlèvera pas. Porte le fardeau. Si moi j'ai un fardeau qui pèse 100 livres, puis toi tu mets une main en dessous, tu peux même enlever 5 livres ou 10 livres. Il va être un peu moins pesant, mais il va être encore là. À plusieurs. Parce que moi je trouve qu'il amène le côté social. Hein. Oui, c'est ça. Alors, si toi tu as une main, puis moi j'ai une main, puis l'autre frère a une main, on peut faire ça. Okay? Puis quand on avait des cas lourds à l'église, dans nos cours, ils disaient. Partagez ce colour-là avec plusieurs dans l'église. Donc, soyez pas toujours en train de vous occuper du même colour qui va toujours rester un colour. Ça va vous détruire en tant qu'enseignant, en tant que pasteur. Donc, il dit, parce qu'il y a des gens, mettons, qui ont tellement besoin d'attention Il dit, envoyez-les, lundi c'était chez Michel, mardi c'était ici, puis chacun votre journée pour que ça devienne moins lourd sur vous, parce que ça va vous détruire. Ou il nous disait, si vous le mercredi vous avez un cas lourd, le jeudi amachez-vous pour avoir un cas léger, pour contrebalancer, pour ne pas être écrasé par le fardeau de l'autre. Nous autres, on est-tu lourd ou léger? Question. Question alors, question que je ne dois pas répondre. Ah non, c'est pas rire. Des fois, quand je vois quelqu'un qui souffre, j'ai senti la souffrance d'un autre, c'est comme une empathie. Ouais. Pas toujours, mais c'est arrivé ici, une soirée, que quelque chose arrive, c'est juste boum, comme ça. Je dis, where did that come from, you know? Ouais. C'est l'esprit qui fait ça, je pense. Je suis pas comme ça. Tout le temps, c'est spécial. Parce qu'il y en a qui ont une empathie naturelle dans leur tempérament, dans leur personnalité. Et souvent, moi. Non, mais je crois que des fois, dépendamment des circonstances, mais je crois que l'empathie est un trait de personnalité. Mais quelqu'un qui peut avoir un don de compassion, de miséricorde, ça peut être différent. C'est la même chose que ça. C'est un peu ça. L'empathie va veut je souffre avec toi, là, tu sais. C'est oui. Donc, mais ouais. le fait de souffrir avec la personne peut se sentir compris. Mais je vais à la maison, je souffre pas moi à cause de ça. J'ai pas. C'est juste, j'ai senti, je partage ça avec les autres, puis dans la circonstance. C'est un commandement du Seigneur qui dit. J'ai pensé à elle, mais j'ai pas. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ouais, ça fait partie des commandements du Seigneur pour nous. Et ça rejoint un petit peu le même enseignement, c'est de porter les fardeaux les uns les autres. Donc, ça veut dire, si je pleure avec celui qui pleure, je vais l'aider à essayer de porter son fardeau. Mais je crois que en faisant ça, il dit, vous allez accomplir la loi de Christ. Donc, cette partie-là de porter le fardeau de l'autre. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est de ne pas avoir de fardeau et d'enlever le fardeau de l'autre. Et ce n'est pas une réalité. C'est pas une réalité de la vie chrétienne. Okay. Je vais avoir des fardeaux et tu vas avoir des fardeaux. Okay. Et je ne crois pas que la vie chrétienne va enlever mes fardeaux. J'ai enlevé mon fardeau du péché en Jésus-Christ. Okay. Je suis lavé de tous mes péchés. Ça enlève le fardeau de la condamnation, le fardeau de la culpabilité ou de du rejet de Dieu ou de peu importe ce qu'on peut penser. Mais ça n'enlève pas mes fardeaux de la vie qui sont là. Les fardeaux qui sont encore causés par mon péché qui est en moi encore, dans ma chair, dans ma folie. Parce que je ne crois pas que... Est-ce que Jésus avait des fardeaux? On pourrait se poser la question. Lui qui était parfait. Je ne crois pas qu'il avait des fardeaux dans ce sens-là. Malgré qu'il a porté nos fardeaux. Hein? Il nous a déporté nos fardeaux. Mais je crois qu'ici, on est encouragé, du moins. Ça veut dire aussi, ça implique qu'il faut les partager. Qu'il faut sourire. Oui, oui. Et souvent, si on ne les partage pas, il y en a qui vont voir qu'on a des fardeaux, plus que d'autres qui ont une capacité de discerner les fardeaux des gens. D'autres n'ont pas cette capacité-là. Donc, si tu ne le partages pas, ils verront ce moment. Puis, il y en a d'autres même qui font tout pour cacher leur fardeau. Tu dis... On ne peut pas partager à n'importe qui aussi. Non. Il faut être sage. Il y a des gens qui vont faire le tour. Des fois, tu vas écraser l'autre, il faut que tu sois sage aussi. Ouais. Ah ouais. Si tu vas détruire l'autre en mettant un fardeau sur le dos, puis l'autre, il écrase, c'est trop pesant pour lui. Il faut que tu sois sage dans la façon de partager tes fardeaux. Avec qui tu vas le partager? À quelle dimension tu vas le partager? Tu ne partageras pas ton fardeau, mettons, très pesant avec ton enfant qui a 8 ans. tu vas le détruire, mettons. Il faut être sage. Là, j'ai déjà géré, mais il faut être sage dans ce sens-là. Dans l'Église, c'est pareil. Je me souviens d'avoir vécu dans une situation où ce qu'un homme est arrivé dans l'Église, il est arrivé à l'Église, il s'est converti, il était homosexuel, il s'est mis à partager ça dans l'Église à tout le monde qui l'a bien entendu. Mais c'est devenu très froid. Les gens avaient peur. Aussitôt qu'il approchait les enfants, les gens avaient peur. Aussitôt qu'il approchait les petits gars, les gens avaient peur. Donc, les parents, ils watchaient. Parce que. Donc, c'était. Ça n'aurait pas dû être dit si ouvertement à tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Okay. Ça aurait peut-être dit. Faire attention, comment le dire aux gens pour que les gens paniquent. C'est comme si quelqu'un se met un dimanche matin et dirait, moi, je me suis converti, je suis un pédophile, j'ai fait la prison. Là, il dit, je voudrais travailler à la garderie. C'est une gang qui dirait, wow, minute. C'est la one minute, là. Hein? Ouais, les millions de parents. Si on ferait attention, hein, et c'est peut-être pas la chose à partager comme ça devant tout le monde, à instantanément comme ça. Peut-être avec quelques intimes dans l'Église, quelques personnes qui tu peux faire confiance, ben, il faut faire attention dans ce sens-là. Mais partageons nos fardeaux avec les gens, portons les fardeaux des autres et on va accomplir la loi de Christ ainsi. Troisièmement, verset 3, se rappeler que chacun portera sa propre charge. Et le mot charge, c'est le mot fardeau, encore une fois. Ah, c'est intéressant, hein? Si quelqu'un pense être quelque chose, mais c'est dans un autre contexte, je pourrais dire, une autre phrase. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre charge. Moi, j'ai. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Oui, c'est ça. Même chose, oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit de se rappeler quand on examine les œuvres des autres. Quand on examine les œuvres des autres. Ah, oh, hier, j'ai entendu quelque chose. Ce matin, plutôt. J'ai entendu quelque chose. Et de quelque chose que quelqu'un, un frère, fait dans une autre église. Et tout d'un coup, j'ai tout de suite réagi. Je n'étais pas d'accord avec ça. Ça me brûle. Mais je tentais d'évaluer l'œuvre de l'autre. Je pompais pas contre la personne, contre le principe derrière. Contre le principe. Que je ne pouvais pas comprendre qu'on fasse ça dans nos églises. Hein. Je ne peux pas comprendre ça. Si j'analyse, il n'y a pas de péché, là. Pas de péché. C'est que j'analyse l'œuvre des gens. Qu'est-ce qu'ils font pour le Seigneur? Et là, j'évalue leurs œuvres, puis je peux soit les condamner, ou soit les honorer, ou les dire, ah, ça c'est bien. Ouais. Mais il dit, fais attention quand tu vas examiner les œuvres des autres. Chacun examine ses propres œuvres. Et qu'il y aura un sujet de se glorifier auprès de Dieu pour lui-même. Et chacun va porter. Souvenez-vous quand il y a un texte dans la Bible qui nous dit ça, dans Romains 14, il y en a qui mangent, mais qui ne mangent pas. Paul dit, il y en a un qui ne mange pas pour le Seigneur. Il y en a un qui mange pour le Seigneur. Un qui ne travaille pas le dimanche pour le Seigneur, et l'autre travaille le dimanche pour le Seigneur. Il dit, chacun le fait pour le Seigneur. Respecter chacun. Chacun va rendre. Puis là, il disait le même texte. Chacun va rendre compte pour lui-même. Donc, on fait ça pour Dieu. Le but important, c'est qu'on fait ça pour Dieu. Le motif. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à condamner vite? Parce qu'on fait le verset 3, là. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. On a l'impression qu'on est mieux que les autres. On a l'impression qu'on sait mieux faire que les autres. Et c'est ça qui nous amène à examiner l'œuvre et à condamner l'œuvre de l'autre. Parce qu'on pense que nous, on est Dieu en miniature presque. Et je crois que les œuvres, si c'est pas mal, si ce que j'aurais entendu, j'aurais cru que ça aurait été mal et péché, là, il faut que j'intervienne, faire de quoi. Donc, je donne une opinion, je crois que c'est mal ce que tu fais. Okay? Mais c'est pas ça, pour moi, c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Et j'ai évalué l'œuvre et j'aurais pas dû faire ça. Mais on a tendance à s'abuser soi-même. Vous abusez-vous, vous autres-mêmes? Hein? Est-ce que vous... On va attendre, ça va finir. Ils veulent que je sois de garde cette nuit. Je sais, il n'y avait pas d'infirmière. La crainte, ouais. C'est jumpé, la craque. Ceux qui écoutent le CD, c'est Lucie la responsable. C'est sa faute, c'est son répondeur. Ça va s'en aller à grandeur du Québec. Non, ça rentrera pas, je pense. Non, ce que moi je viens de dire, ça va rentrer. Ah, OK. OK, donc, c'est ça, on revient. Ça détecte tout. On revient. Donc, on a tendance à s'abuser soi-même. Et dans le contexte, si s'abuser soi-même, c'est qu'on se croit meilleur. Qu'on est. On est meilleur qu'on est. Là, Si on ne s'abuserait pas soi-même, se croyant meilleur qu'on est, on serait moins sévère pour les autres. Certainement, oui. Mais on a tous cette tendance-là de penser que... Moi, ça m'avait frappé. Je me souviens encore, parce que quand les choses nous frappent, des fois, des petits bouts de phrases. Monsieur Tréguin est venu à l'église, c'est très vite. Puis j'étais jeune chrétien, c'était pas pasteur, mais jeune chrétien. Puis il avait dit, si tout le monde serait des tréguets, ça y aurait-tu bien dans le monde? Il avait dit ça en joke, pour réveiller le monde dans la salle. Parce que c'est comme ça qu'on pense. Si les gens feraient les choses comme nous, ça y aurait donc bien. Puis lui, il avait été sur le champ missionnaire, puis il y avait des chicanes entre missionnaires, parce que chacun aurait voulu faire la mission comme il pensait que c'était la meilleure façon de le faire. Ma méthode est meilleure que la vôtre. Puis, je vous garantis, nos divisions d'église, ça n'a pas rapport à ça. Ça n'a pas rapport à ça. C'est qu'on pense que notre façon de faire est meilleure que nous autres. J'écoutais encore ce matin avec la même personne que je parlais qui m'a dit, dans une église là, qui était avant, le pasteur a dit à un homme, tu sais tous bien t'en aller parce que tu ne fonctionnes pas comme nous, puis ça fait des problèmes. Puis là, finalement, quelqu'un est parti, tu travaillais dans l'église baptiste. Mais il n'était pas capable de travailler ensemble. Là. Ma méthode est meilleure, puis je trouvais très triste d'entendre qu'on n'est pas capable de s'entendre à cause qu'on a des points de vue différents, de façon de fonctionner, pas pour des points de vue théologiques, là, des points de vue de fonctionnement. On n'arrive pas à s'entendre. De la personnalité et c'est pas une question de personnalité. C'est une question de personnalité, c'est bien souvent. Mais ma personnalité n'est pas meilleure. Le problème, ma personnalité n'est pas péché. C'est que je pense que ma personnalité est meilleure. Là, c'est péché. Ah ouais. Okay? Ma personnalité soit différente de vous autres, c'est pas grave. C'est Dieu l'a voulu comme ça. Mais de penser que ma façon de faire est meilleure, ça, c'est une autre histoire. Okay? Ça, il dit ça ici. Donc, si tu veux faire du bien, quand tu examines les œuvres de ton frère, laisse-les tranquilles avec ses œuvres. Il le fait pour le Seigneur, c'est pas péché, c'est pas mal. Laisse-les faire ses choses pour le Seigneur. Il donne pas, il investit, il fait ceci, il fait le là, il fait du porte-à-porte, il en fait pas, il fait d'autres choses, c'est pas grave. Laisse-les faire sa façon de faire. Mais il est engagé dans l'œuvre, il fait des choses pour le Seigneur. Mais pas comme toi, pas de la même manière que toi, pas avec la même approche que toi. Et Dieu, dans sa grâce, utilise après toutes les approches dans son amour, dans sa bonté, parce qu'il n'y a pas d'approche parfaite comme telle. Okay? Donc, il dit, si tu veux faire, pratiquons le bien. Examine pas les œuvres des autres dans le fond, à moins que tu penses que c'est péché. Parce que là, c'est autre chose. Mais ici, il ne parle pas de ça parce qu'il nous dirait de faire autre chose avec ça. Mais il dit, examine tes propres œuvres. Si toi, tu les fais pour le Seigneur, glorifie-toi toi-même avec le Seigneur, glorifie le Seigneur de ce que tu fais, et pas par rapport aux autres. Pas par rapport aux autres. Ne te compare pas ce que tu fais par rapport avec les autres. Donc, tu lis la Bible plus longtemps que les autres, tu peux dire merci Seigneur que j'ai une capacité de lire, j'aime lire, puis je fais ça. J'ai le temps, puis j'ai la capacité. C'est bien. L'autre ne le fait pas, il n'a pas la capacité, il n'a pas l'éducation académique pour le faire. Ne compare pas ton temps. Lui, il lit 10 minutes. Prendre soin de leur famille. Laisse faire. Donc, il y a des périodes de nos vies sont différentes. Je vois bien, moi, rendu à 50 ans, j'ai du temps que je n'avais pas quand j'avais 30 ans avec les 6 enfants à la maison. Ce n'est pas la même chose. Et notre connaissance n'est pas la même, notre capacité financière n'est pas la même. Nos œuvres changent même en s'en allant. Puis, excusez. Donc, c'est parce que j'ai vu passer quelque chose de noir dans les airs. C'est un chat. Donc, une autre chose qu'on va regarder ensemble pour pratiquer le bien envers les frères. Donc, une des choses de faire le bien ici, c'est quoi faire? C'est ne rien faire. N'examine pas les œuvres des autres. Fais rien. Laisse-les faire ses œuvres. Donc, des fois, le faire le bien, c'est de rien faire. Tu fais rien, tu ne t'occupes pas de ce frère-là. Il fait ses œuvres, toi tu fais les tiennes, laisse-les faire. Laisse-les faire. Donc, des fois, on est mieux de laisser faire que de faire, des fois. OK? Donc, verset 6. C'est drôle parce qu'ils prennent le terme sa propre charge. Oui. Ça fait comme avant, c'était fardeau. Ouais, fardeau. Oui, mais c'est dans un autre sens. Ouais, c'est dans un autre sens. Fardeau, c'est comme. Mais ici, charge, c'est sa propre responsabilité, chacun son propre. Son propre travail qu'il va faire. C'est pas un fardeau négatif ici. C'est ça. Verset 6. Et là, je suis mal placé pour en parler, mais en tout cas. On s'en va au 7. Que celui qu'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Waouh! Là, habituellement, c'est pas celui qui enseigne qui doit parler de ça, mais en tout cas, c'est tout le temps eux autres qui en font, parce que eux autres qui enseignent. Donc, ici, le texte, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'Église primitive, il n'y avait pas vraiment de pasteur engagé comme on le fait aujourd'hui, qu'on pourrait dire, qui était payé comme nous, tant par semaine, tant par mois. Ouais. C'était souvent ce que, quand un enseignant venait à l'église, on le faisait vivre. C'est ça, nourrir le vivre. Mm-hmm. Ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé à payer des pasteurs à tous les gens religieux, des pasteurs, des salaires, je veux dire. Avant ça, c'est qu'on troquait avec plus d'enfants. S'ils nous enseignaient, on donnait une maison, on faisait vivre, on donnait de la nourriture. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on voit qu'à quelques reprises, des prophètes qui passent dans certaines villes, et des maisons, des familles, ils le reçoivent. Ils lui font un appartement à part, sur le toit, une fois, ils ont fait un toit, une place pour se coucher, une place pour dormir, une place pour manger. Quand ils passaient en ville, il y avait un pied à terre dans cette ville-là. Et anciennement, ça se faisait beaucoup comme ça. Il y avait un vieux dicton dans l'église primitive. Si un homme vient à l'église et qui passe plus que 3 jours et qui demande de l'argent, c'est un faux prophète. Il n'y avait pas le droit de demander de l'argent. Il ne fallait pas qu'il s'éternise là, puis il y a un fardeau pour l'Église. Hein. Mais il y avait un principe de base. Quand quelqu'un vous enseigne, pendant qu'il vous enseigne, partagez vos biens avec lui. Partagez vos biens avec lui. Faites-le vivre pendant ce temps-là. Donc, aujourd'hui, c'est ça fait partie du mandat de l'Église encore, mais on ne se prendra pas de la même manière. Aujourd'hui, on fait un salaire temporaire. Donc, c'est pas la. Mais la méthode n'est pas biblique. C'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui dans la société québécoise. Quelqu'un travaille, si on demande de le faire à plein temps, et on lui partage nos biens. Et pour qu'il puisse aussi vivre. Quelqu'un dernièrement m'a appelé de notre église et m'a demandé combien ça prend de chrétiens, de familles dans une église pour faire vivre un pasteur. Ça dépend de la gente. Et ça dépend des familles qui sont là, généralement. T'as-tu 50 familles sur le bien-être ou t'as 50 professionnels? Donc, c'est pas toujours la même chose, là. Okay? Mais j'ai une chose certaine, ce que j'ai répondu. J'ai dit, vous devez le faire vivre si vous lui demandez de vous enseigner. Vous lui demandez de l'enseigner, faites-le vivre. Mm-hmm. Il devrait vivre, moi je dis, c'est mon principe personnel, au même niveau que la moyenne de l'Église, au moins. Mm-hmm. Pas donner un salaire de 100 000 si toute l'Église fait 10 000. Ouais. Okay? Ça serait tout de. Mais non plus le faire vivre à 20 000 quand tout le monde fait 50 000. Okay? Et je pourrais vous dire, en tout cas, dans mon expérience depuis 25 ans au Québec, je pourrais dire que la moitié des pasteurs qui ont démissionné depuis 20 ans, c'est à cause de salaire. Oh, ouais. Trop bas au Québec. Oh, ouais. Et je pourrais vous nommer quelques cas que j'ai connus que des femmes ont quitté leur mari parce qu'ils travaillaient des filles vivre en tant que pasteur. Ils n'avaient pas vu la maison en tant que pasteur. Ils n'avaient pas vu la maison. Et c'était de la misère noire. C'était, je me souviens d'avoir parlé à une petite fille de 16, 17 ans. Dis-moi, je ne marierai jamais un pasteur, c'est des quelqu'un. On vit sur le bien-être, on vit quasiment comme du bien-être social. Mais il y en a qui sont bien payés, genre. Hein, ils sont pas payés. Oui, aujourd'hui, dans ces derniers 17 ans. Nous, quand on a commencé. Ah ouais. Hey, on avait 6 enfants, on avait 9 000$ par année. Ah ouais. Tu veux vivre, toi? On te voit qu'il y a été partout au gouvernement pour avoir de l'argent, on t'a pas de vivre. On n'arrivait pas. Et c'est parce qu'on était capable, par la grâce de Dieu, de passer au travail, parce que beaucoup dans le temps ont démissionné, ont parti, ont lâché le ministère. Ils sont allés travailler. Raymond Guérard, de Val d'Or, que je connais, là, il vient de retourner sur le marché du travail, l'église, elle ne paye pas. Pas capable, il fait vivre ses enfants. Il y a juste 2 enfants maintenant à la maison. Pas aller vivre. Donc, automatiquement, l'Église ne prend pas sa responsabilité de donner à cet homme-là qui demande. L'Église dit, viens, travaille pour nous autres, enseigne-nous, mais on ne payera pas. C'est pas biblique. C'est pas aider l'Église d'accepter ça. Et si je recommencerais personnellement, je ne referais pas ça. J'accepterais pas ça. Je dirais, prenez vos responsabilités. Les chrétiens, prenez vos responsabilités. Vous voulez avoir quelqu'un, prenez vos responsabilités. Ouais. Et je me souviens, si on ne fait pas ça, on n'aide pas l'Église. Quand j'arrivais à l'Abitibi, il faisait 30 ans que les chrétiens ne payaient pas le pasteur. Les pasteurs étaient payés de l'extérieur. Ouais. Et quand moi je suis arrivé, ils ne voulaient pas payer le pasteur non plus encore. Il avait été gâté pendant 30 ans. On peut avoir un pasteur qui nous enseigne, mais on ne paye pas. Donc, puis aujourd'hui, on est encore comme ça en grande partie. Au Québec, sur 70 églises, il y a 35 églises qui ne payent pas leur pasteur. Ça vient d'ailleurs. Mais nous autres, on a un cas, ça montre en bien. On a un cas parce qu'on a une petite église qui commence. Et donc, c'est un cas qu'on savait qu'on a commencé. Moi, j'ai accepté parce qu'on a commencé comme ça. Mais si je n'avais pas eu le salaire de l'extérieur, je n'aurais pas pu venir travailler. Elle a dit, ben non, on ne peut pas parce qu'il faut bien que je vive, moi aussi. Là. Donc, c'est vraiment un principe biblique, c'est de base. Si tu veux pratiquer le bien envers les frères, c'est ce qu'il dit, c'est. Mais un frère que tu lui demandes de t'enseigner, partage avec lui ses biens. Tes biens pendant qu'il t'enseigne. C'est un principe général. Comment tu vas faire ça? Fallait avec la capacité que tu as, avec les moyens que tu as, fallait avec comment tu peux. Peut-être que tu peux pas. Je me souviens, il y avait tu te souviens-tu à la sort, il y avait on l'a fait venir Gilles Rousseau, puis elle avait pas beaucoup d'argent, puis il y avait une femme dans l'église. Elle n'était pas chrétienne, cette femme-là. Mais elle venait à l'église. Puis moi, à la sort, on invitait même les éconvertis à la réunion d'affaires. Ça nous faisait aller que les éconvertis viennent à la réunion d'affaires. Il n'y a pas d'autre vote, bien entendu, mais il y avait d'autres paroles d'écouter ce qui se passait. Elle lève la main. Elle dit, on a des problèmes financiers, je vois ça, là, je vois ça. Elle dit, moi, j'ai un logement en haut, gratos pour le pasteur qui vient. Voyez-vous, c'est sa façon à elle de dire, moi, je veux participer, je peux donner mon logement gratis pour ce pasteur-là avec sa femme. Elle voulait qu'il vienne. Mais elle t'apprend à investir quelque chose. Et je me dis, elle était convertie. Mais oui. Mais elle était prête à donner un logement. C'était pas mal d'argent, en tout cas, dans ce temps-là. C'était peut-être, mettons, un 300$ par mois, 250$ par mois à l'année. Ça veut dire un 3 000 par année qu'elle était prête à donner. Elle était inconvertie. Non, c'est jamais converti finalement. Mais elle était prête à faire ça. Parce qu'il y a un principe de base dans notre société. On est toujours prêt à payer pour ce qu'on a. N'est-ce pas? Vous voulez un ordinateur, vous allez payer pour. Vous voulez avoir une maison, vous allez payer pour. Vous voulez avoir un char, vous allez payer pour. Vous voulez avoir des vêtements, vous allez payer pour. Pourquoi c'est différent ailleurs? C'est le même principe, je dirais, à l'Église. Mais le pasteur, qui lui est conscient de ça, doit analyser la situation quand il vient dans cette église. De l'Église, oui, c'est ça. Puis dire, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à faire. Vous n'êtes pas capable de me payer. Non, je ne suis pas prêt. Je vais vous donner 2 jours. Je vais aller travailler 3 jours. Je vais venir. Et nous, ici, à l'Église, on en parle en soir parce que comme ça, entre nous, nous, à l'Église, ici, c'est une question de temps. Si l'Église continue comme ça, si on n'a pas une croissance assez forte, je vais toujours être venu travailler. C'est une question de temps parce que l'association me soutient de moins en moins. Mm-hmm. Donc, je vais toujours aller travailler si je reste ici. Mm-hmm. Donc, il va falloir qu'on prenne des décisions à un moment donné. Qu'est-ce que je laisse tomber si je vais travailler à l'extérieur? Donc, c'est une décision qu'on a à prendre, mais il faut accepter notre responsabilité de croyant. C'est nous, les croyants, qu'on est responsables de ça. Ceux qui se font enseigner. Donc, c'est un principe qui est là de base, qui, je crois personnellement, il y a un vieux dicton qui dit, ce que tu as gratuitement, tu ne l'apprécies pas autant que si tu payes pour l'avoir. Hein? Il y a un vieux dicton qui dit ça. Je crois que c'est la même vérité dans nos églises aussi. Même vérité dans nos églises. Et quand on est prêt à investir, hein, puis moi je crois que dans nos églises, c'est de moins en moins ça qui se fait maintenant. Et quand les églises sont rendues bien grosses, plus elles sont grosses, plus ça devient facile. Là. T'as 3-4 pasteurs et tu as de l'argent. Je parlais avec mon gars, il est à Terrebonne, il dit on a trop d'argent, on ne sait pas quoi faire avec. Et dans l'église, ils sont 300-400. Le bâtiment est payé. C'est beaucoup de gens qui sont là, qui sont en moyen de payer. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Nous, ils ont engagé un autre pasteur de plus pour travailler. Et donc, c'est une bonne façon. Je ne dirais pas que c'est mal de faire ça, mais ils ont gagné un autre pasteur. Ils ont de l'argent par-dessus. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ça, c'est les églises de ville, ouais. C'est parce qu'ils ont trop gros. Puis la tendance, c'est comme ça. Les petites églises ont tendance à fermer. Et les grosses églises ont tendance à devenir plus grosses. C'est ce qui se passe dans nos grands centres. Là. Donc, ces églises-là deviennent très riches. Les petites églises crèvent de faim. C'est-tu parce que les gens recherchent aussi peut-être des églises avec plus de services, plus grosses, pour répondre à leurs besoins? Plus c'est comme ça, moins ils investissent. Mais ce qui m'a tant frustré, maintenant, je vais vous le partager. Là. Je vais le partager. Je nommerai pas de nom. C'est un principe de base. Une grosse église, qui sont à peu près 400, engage un autre pasteur d'un autre église. Ils vont enlever le pasteur d'une autre église. On appelle ça comme ça. Ils consentent, le gars, ils ne se font pas arracher les sous. Ils vont l'emmener chez eux, qui ont déjà 3-4 pasteurs, pour s'occuper des contacts dans l'église, parce que les pasteurs n'ont pas le temps de s'occuper des contacts dans l'église. Moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux, je me donner des claques, je me dis, ça se peut-tu. 400 chrétiens dans une église ne sont pas capables de s'occuper des contacts. Où est-ce qu'on en est rendu, ma foi? C'est ça qui me frustrait le plus. Où est-ce qu'on est rendu qu'il y a 400 chrétiens dans l'église qui ne sont pas capables de s'occuper des contacts qui sont là? Tu ne devrais pas avoir besoin d'un pasteur pour venir ça. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour t'occuper des contacts non plus. Peut-être parce qu'il y avait une problématique. C'est pour ça que. Peu importe. Moi, personnellement, dans ma tête, il y a une problématique. Parce que normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de ça. Là. Tu devrais avoir assez de monde dans l'église que s'il rentre une personne dans l'église nouvelle, quelqu'un va s'en occuper. S'il y a un nouveau qui n'est pas converti, quelqu'un va s'en occuper. On n'a pas besoin d'aller chercher le pasteur dans une autre église. Les autres, maintenant, ils n'ont plus de pasteur, en plein temps, je parle. Maintenant, nous, on a un plus. Mais là, que ça va faire quoi, là? C'est pas obligé que ce soit un pasteur. Mais ça n'est pas obligé d'être un pasteur, mais Qu'est-ce que le, que, quelle était la faiblesse de l'Église pour ne pas être capable de s'occuper de ses propres contacts? En tout cas, elle s'implique pas tellement à ce niveau-là. À la matin, c'est ça qui m'a frustré le matin, qui m'a dérangé. Où est-ce qu'on est rendu en tant qu'Église au Québec quand on a dit qu'on fait ça? Mm-hmm. On s'est devenu du professionnalisme, que j'appelle. Mm-hmm. Ça prend des professionnels pour faire tout. Les chrétiens, mm-hmm. comme tu disais, parce que j'ai pensé à ça parce que tu parlais, les chrétiens, ça vient dans l'Église. Et dans la mentalité, on s'assied à l'Église pour on regarde faire les autres. Mm-hmm. Vous n'avez pas de service pour nous autres, mais on va ailleurs. C'est ça qu'on fait dans nos écoles églises maintenant. On s'en va ailleurs. On va aller dans l'église, il y a quelque chose pour nous autres là-bas. Là. Là-bas, là-bas, ils donnent ça exactement. On ne vient plus dans l'église pour dire je m'en viens dans l'église pour servir. On m'en vient pour se faire servir. Et puis quand je me dis qu'il y en a 400 qui ne sont pas capables de s'occuper des contacts, ils viennent, ils s'assisent, ils écoutent le pasteur de ce qui se passe. On appelle ça des fois un peu un spectacle. Ils prennent la porte et s'en vont chez eux après. C'est fini pour la semaine. Ils reviennent au dimanche. C'est comme ça que ça se passe. Quand c'est rendu là, il faut venir quelqu'un de l'extérieur pour dire « Hey, j'ai un petit peu de problème avec ça. » Donc, je crois que pas avec les personnes, avec le principe derrière ça, qui je crois qu'il démontre une faiblesse de nos églises, que c'est devenu que les chrétiens s'assoient, ils écoutent, puis ça retourne chez eux. Puis, j'ai dit ça à quelqu'un dans les mains, j'ai dit « Ça fonctionne. » Fait que les chrétiens ne se posent pas la tête. C'est comme le gouvernement, ça fonctionne. Hein? Tant que ça fonctionne dans l'hôpital, on ne se pose pas de questions, on va à l'hôpital. Mm. On nous dit que ça s'est débordé, on nous dit qu'on a su, on nous dit que ça coûte cher, on va à l'hôpital. Mm. Jusqu'à temps que ça nous dit, les portes sont barrées, là on commence à réagir. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'on a des problèmes. Dans l'église, c'est vrai comme si on dirait, le pasteur, un dimanche matin, il n'est plus là. Pourquoi? Ben, on n'a plus d'argent pour le payer. Il est plus là. Ah, là on fait de quoi, là? On va faire de quoi? Mais on ne réagit pas. Pourquoi? Parce que ça fonctionne quand même. Même si on ne le fait pas. Donc, j'ai passé le principe, là, c'est ça, verset 6. On passe le principe de si, en tant que chrétien, quelle est ma part que moi je fais? Qu'est-ce que je fais pour celui qui m'enseigne? Qu'est-ce que je peux faire selon mes capacités, selon mes dons, selon mes capacités financières ou mes capacités matérielles? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a bien des façons de le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Donc, habituellement, maintenant, c'est les églises qui répondent aux besoins de l'enseignant. Et non pas l'individu. Mais c'est parce que l'individu le fait à travers son offrande. C'est ça, exactement. Donc, mais il devrait dire, ben, il y a une part, si l'église dans son ensemble, ben, j'écoutais... Moi, c'est parce que je veux dire, j'ai vu un exemple d'une église l'année passée, je ne dirais pas dans la ville, mais je t'ai dit, j'étais là. Puis le pasteur faisait 38 000, puis il avait le chauffe fourni, il avait un compte de dépenses. Puis ils l'ont mis dehors, ils dépensent tout ça, tu sais. C'est trop, dépensait trop. Mais, oui. Il avait beaucoup d'argent. Moi, j'ai été offert une fois à Vancouver, une job pour m'occuper dans une ville. Non, c'est pas tout ce qu'ils ont eu dans la vie. J'en ai tellement de choses. Ben, je te l'ai dit, même la semaine passée, même l'année passée, il y en a eu qui m'ont offert. Je te l'ai dit, venez prendre l'année passée. Une église qui est sur Vancouver, ils m'ont offert 60 000 piastres de salaire. Pour doubler mon salaire, on en a là-bas. Mais le coût de vie est cher. Oh, ben, pas de double. Non? Oh non, pas le double. Et j'avais une belle petite bâtisse, une belle petite église avec pas une quarantaine de membres. J'aurais pu dire, hey, je suis là pour l'argent, j'aurais été tout de suite, hein? Mais je n'étais pas là. Donc, non, je veux m'approcher de ma famille, je ne veux certainement pas m'éloigner. Ouais. Mais il y a des églises qui ont des gros salaires. Sur le côté anglophone, nous, là, tous les anglophones, nous regardent au côté du Québec. Puis ils nous trouvent bien pauvres. Puis ils disent, vous êtes des fous de travailler pour ce prix-là. Ils nous disent ça, nous autres, les pasteurs. Ouais, vous êtes des fous. Mais c'est pas fou, c'est peut-être parce que vous travaillez pour les Québécois. Mais c'est parce qu'il dit à la langue, ça ne va pas vous aider. Les chrétiens ne prennent pas leur responsabilité. Il dit, un chrétien qui ne prend pas sa responsabilité ne grandit pas. Il ne prend pas sa responsabilité. C'est un évangile qui ne coûte pas cher. Okay. Peut-être parce qu'on est habitué d'être évangélisé. Nous, on est habitué d'avoir donné 26 ans à l'Église catholique. C'est ça qu'on est habitué. Oui, aussi. Mais l'Église, il faut dire aussi qu'on est des chrétiens jeunes. Il y a eu le statut catholique. Mmh. Là, on commence à. Oui, c'est vrai. Notre génération qui s'est convertie n'était pas professionnelle. Mmh. On s'est converti beaucoup des jeunes entre 20 et 30 ans qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Là, qui étaient plein de dettes. Donc, on ne s'est pas converti avec tant que ça. Mais ça l'a changé depuis 50 ans. Mais ça n'a pas tellement changé dans nos églises. Hein. Vous savez ça que dans nos églises, il y a à peu près juste 20% des chrétiens qui donnent 80% de l'offrande. Ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans que je m'occupe des finances, ça fait 30 ans que c'est pareil. Mm-hmm. Oui, mais c'est comme il y a 15% de chrétiens qui sont sanctifiés. Je ne sais pas, ou 18% qui s'implique. Dans la société, c'est-à-dire dans la société non, non chrétienne, c'est la même chose. À Mont-Tremblant, il y a 20% des citoyens qui vont s'impliquer. Dans l'Église, c'est le même pourcentage. Mm-hmm. Ah, c'est bon ça. Ça a peut-être rapport avec les traits de caractère. Peut-être qu'il y a 15%. Culturel, tu veux dire le contexte culturel. Culturel, régional. Ou bien, évidemment, mais ça peut être aussi leur personnalité. Ah, je pense que les personnes qui s'impliquent plus, ils ont plus le guts de. Ouais, ils sont plus je dirais que c'est un trait de personnalité, mais dans un autre sens. Moi, je dirais que le trait de personnalité devrait se manifester dans le comment tu vas t'impliquer. Okay. Pas dans le fait que tu t'impliques ou tu t'impliques pas. Parce qu'il y a un commandement de la part du Seigneur de t'impliquer. Tu dis, bien, je ne vais pas faire ça comme ça parce que ce n'est pas ma personnalité, mais je vais le faire d'une autre façon. OK? Je vais faire d'une autre façon. Comme déjà, je n'ai pas de l'argent cash, mais je vais donner d'autres choses que je pourrais faire. D'autres choses que je pourrais faire. Pour démontrer que j'ai une reconnaissance envers cette personne-là qui a investi son temps pour m'instruire. Il y a une façon de le faire qui pourrait. Mais la question, c'est que j'y pense, je le sais que c'est là, je sais que c'est un commandement du Seigneur de le faire, donc je veux faire le quoi. Mais dans notre. Au Québec, là, puis je vous l'ai dit quand je suis revenu de la convention, l'année au mois de novembre, le nouveau président des Églises baptistes a dit les Québécois, vous allez apprendre à donner, c'est fini. Parce que les Québécois reçoivent 600 000 pièces par année depuis 30 ans, puis ça, on n'avance pas. Donc vous allez apprendre à donner. Puis on sait que ça s'en vient. Que les gars comme moi, on n'aurait plus d'argent qu'on est du côté des anglophones. Bon, il faudrait faire de quoi avec ça. Okay? Parce que les anglophones disent le 600 000, le 600 000 qu'on vous donne, on aimerait bien le garder dans nos églises. On en a besoin d'autres aussi pour faire d'autres choses. On pourrait l'envoyer au missionnaire ailleurs aussi, là, tu sais, commencer d'église ailleurs. C'est-tu des salaires qui vont baisser ou. C'est des salaires qui vont disparaître complètement. Mais je crois que moi, quand l'église, elle va voir, l'église québécoise, elle va voir, on n'en a plus qui vient de l'extérieur, ils vont mettre la main dans les poches. Ah, ouais. Ah, je crois, oui. Moi, à Viterréville, là, j'ai vu une fois, je vous donne un exemple, on va arrêter là pour, ce soir. J'ai vu à l'église à Viterréville que les offrandes étaient toujours juste. Il fallait juste rencontrer le budget. Ça allait bien, on rencontrait notre budget, mais pas plus. Jusqu'à temps que l'église décide, les parents, qu'on voulait avoir une école chrétienne. Ouais. Pour avoir l'école chrétienne, ça prenait 90 000 piastres pour bâtir le bâtiment pour faire l'école chrétienne. Puis là, on est dit aux chrétiens. Ben, on va se voir ce que ça va coûter. 90 000 piastres juste pour le bâtiment. On n'a pas payé, on n'a pas les professeurs, on n'a pas rien, on n'a pas ça. Mais ça, c'est pour le bâtiment. Oh! Il y a des chrétiens qui se sont levés. Oh! On n'a pas ça! Que tu veux qu'on fasse? On n'a pas cet argent-là! Papa, papa, papa! Mais j'ai dit ça, on ne l'a pas. On fait comme ailleurs. Comme on fait chez nous. Quand j'ai pas d'argent, je ne m'arrête pas de char. Hein? Quand j'ai pas d'argent, je ne m'arrête pas de maison. Si on n'a pas d'argent, on n'aura pas d'école. C'est 27 ans-là. Mais les parents en voulaient une école. On a ouvert ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on a dit, les chrétiens, ceux qui veulent prêter, ceux qui veulent donner, ceux qui veulent faire des dons, des cadeaux, ceux qui veulent prêter, on est prêt à payer une certaine montant d'intérêt, comme vous voulez. Fait qu'on n'était pas rendu à 3 mois, on avait plus que 90 000. Mm-hmm. Pourtant, les chrétiens avaient tout l'argent dans leur poche avant qu'on commence. Mais ils ne donnaient pas. Ils ne donnaient pas à l'Église. L'Église était juste sur le bord. Elle était juste sur le bord. Pourquoi ils ne donnaient pas? Il n'y a pas de besoin. Il n'y avait pas un besoin que les autres n'étaient pas. Étaient pas puis le besoin, si on en représentait une autre chose, mais les chrétiens, tout d'un coup, ont dit on veut que nos enfants, là, ils étaient prêts à payer pour leur. C'est mon affaire. On a dit donc, j'ai un besoin, on l'a sorti. Et on a payé à Baptiste cash. Pourtant, on disait on n'a pas l'argent. Elle était toute là dans nos poches. Mm-hmm. Après-midi, je lis l'article de chez La Bonne Nouvelle. Et à la fin, il y a toujours une question financière. On est endetté de 45 000. Ils se sont endettés de 45 000 pour faire la bonne nouvelle cette année. Là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, quand ils sont pris en gorge, les trois gars qui sont en charge sortent le 35 000 de leur poche et ils le donnent. Ils l'avaient dans leur poche, mais ils criaient au Seigneur de leur donner ça. Ils l'avaient dans leur montant, eux autres, dans leur capacité financière, ils l'avaient. Mais il aurait voulu que Dieu pourvoie d'une autre manière. C'était le dernier recours. Ils l'ont donné. Mais là, c'était comme. C'est ça où on ferme les pas. T'as-tu donc. J'ai une question. Est-ce que le côté anglais, les autres églises d'ailleurs, comme à London, là, est-ce qu'ils voient l'église ici comme un missionary field, comme un missionary? De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Oui. Parce qu'on peut le dire, vous êtes rendu à 80 églises. On n'a même pas ça en Manitoba, on n'a même pas ça en Alberta, on n'a même pas ça en Saskatchewan, 80 églises. C'est gros, nous autres, c'est petit. Non, ouais. Non, non. La moyenne des églises baptistes au Canada, c'est 100 personnes. Oh. La moyenne. Ce n'est pas des grosses églises en moyenne. Il y en a toujours des grosses qui sortent à travers ça. Oui, mais là-bas, ils n'ont-tu beaucoup de grosses, nous autres, beaucoup de petites. Fait que la moyenne, non, non, c'est non, ça. Non, non, on a plus de croyants, nous, maintenant, au Québec, que dans l'Alberta, mettons, le Manitoba, puis la Saskatchewan. Plus de croyants. On a moins qu'en BC, on a moins qu'en Ontario, bien entendu. Mais on en a plus que des maritimes. Les maritimes, je pense qu'ils ont 16 églises dans toutes les maritimes. Église baptiste, je parle. Oui. Donc, nous, on en a... Mais c'est juste à dire que c'est quelque chose qu'il faut considérer, qu'il faut penser, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment est-ce que moi, François, est-ce que j'accomplis ce que Dieu me demande de faire ici? Dans ce texte, dans ce verset-là, qu'on vient de voir. Que Dieu me dit, François, partage tous tes biens avec ceux qui t'enseignent. Bon, est-ce que je vais le faire ou non? C'est la question que je vais me poser à moi. Tout ce qui se passe alentour, c'est plutôt du comment on va faire ces choses-là. Mais est-ce que moi, j'ai cette conviction-là qui vient du Saint-Esprit, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je le fais ce que j'ai à faire. Si je le fais, donc j'ai cette paix-là intérieure, je le fais. Mais ici, quand je lis le texte, je suis obligé de m'interpeller. Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Si oui, je le fais, Seigneur, merci, c'est par ta grâce, on continue. Mais dans l'ensemble de l'Église, je dirais, dans l'ensemble de l'Église au Québec, dans l'ensemble, l'Église ne le fait pas. L'Église ne le fait pas. Ça fait assez longtemps que je suis dedans pour savoir que l'Église ne le fait pas, dans son ensemble. Les gens prennent pour acquis que ça fonctionne sans qu'ils donnent de l'argent, donc ils ne donnent pas. Donc, ça fonctionne pareil. Mais l'Église, dans beaucoup de choses, a de la misère. Oui, oui. Mais ça, c'est une manifestation. Ouais. Mais là, c'est parce que ouais, je crois que vrai. Tranquillement, et même qu'on comprenne que ça ne vient plus du côté anglophone, ouais. on va dire, ben là, soit que nos pasteurs s'en vont travailler, ou ben non, soit qu'on mène à nos poches pour donner plus. Souvent, on agit quand on est comme un culot. Souvent, en plein du même. Oh, oui, c'est souvent ça. J'avais entendu dire qu'une église durait 40 ans. Je ne sais pas, il y a des statistiques, là, tu sais, comme en direction chrétienne, c'est une sorte d'affaire. Absolument, une église est absolument à peu près 15-20 ans en croissance, 15-20 ans en plateau, 15-20 ans en mort. Ça veut dire près de 60 ans. C'est 50-60 ans. Elle fait 15-20 ans en grandit, 15-20 ans, elle va être à peu près plateau. Après ça, elle se met à décliner par mort. On est rendu où? Au Québec, on est au plateau. On est sur le plateau. Okay. Ça dépend, il y en a qui. Ça dépend quelle église. On parle de l'ensemble. On parle de l'ensemble. L'ensemble. Okay. Je parle de l'ensemble. Okay. Au Québec, on est au plateau. Pour la grandeur du Canada, on est en décroissance. Comme le Seigneur, des fois, comme. Parce que moi, j'ai été dans une église qui est morte, là, c'est une église d'affaires. Puis on dirait qu'à un moment donné, ben, le Seigneur, je ne sais pas, il a changé comme le discours des. Il a changé comme le format. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à cause de l'évolution de la société. Ben, l'évolution. La transformation de la société, que les églises fallaient s'adapter, sinon on perdait les gens, tu sais. Mm-hmm. Comme juste pour la musique. Oui, on est obligé de. Mais on est devenu un petit peu québécois, je crois, puis c'est correct. Parce que nos églises étaient plutôt anglophones. On est devenu plus québécois. Donc on a sorti nos orgues, on a sorti nos guitares. On est devenu plus québécois. Ça, c'était normal de faire ça. Parce que les missionnaires sont venus du côté anglophone, donc ils ont emmené leur culture, leur façon de faire, leur musique avec eux autres. Maintenant que c'est nous autres qui, depuis le leadership, les Québécois ont pris le leadership des églises, ça devient québécois, c'est normal. Mais ça ne change pas que les principes restent les mêmes. Que ce soit en anglais, que ce soit là, ou en français, c'est les mêmes principes bibliques. Donc, et pour ça, je me dis, je trouve ça triste que dans nos églises, les gens quitteraient le ministère, ou les chrétiens sont obligés de retourner sur le marché du travail à cause qu'ils n'ont pas de salaire pour vivre. Ça, je trouve ça triste à mes bébés. Je trouve ça triste à mes bébés. Et les églises des frères n'ont pas cette conviction-là de payer les gens à plein temps. Hein? C'est pas cette conviction-là. C'est un groupe qui est en décroissance très forte depuis 30 ans. Oh, oui, ça a été récupéré dans d'autres. Ça s'en va dans d'autres églises. Oh, ouais, plusieurs sont devenus des églises baptistes avec le temps. Moi, j'ai eu connaissance au moins 5 églises des frères à Montréal qui sont devenues des églises baptistes avec le temps. Ils ont demandé de devenir des églises baptistes. à cause de la structure, à cause de comment ça fonctionnait. Parce qu'il aimait mieux ça, là, il voyait bien que ça ne fonctionnait plus. Et moi, j'ai eu connaissance. Je les connais, les cinq, oui, à Montréal. Nomme-moi-les, je vais te dire. Une de ce que je connais. Robert Renata, sur Bélanger. L'église que Jules Lapierre a pris, je ne me souviens pas. Je ne sais pas le nom de frère. Okay. Je sais que c'est l'église baptiste maintenant, là. Mais c'était la. Ben, j'ai été au début, moi. Hein? Quand les frères sont arrivés. Non. Bon, sur les 10. Ouais. Mais moi, j'ai. En tout cas, c'était ce qu'on ne voulait pas. Payer quelqu'un pour qu'il s'occupe de l'église. Comme avant, il y avait, mettons, il y avait dissension dans, parce que c'est le conseil qui mène, ou c'est un pasteur qui mène. Je ne sais pas vous, comment ça va. Nous autres, c'est le conseil des anciens, okay. Spirituellement qui dit. OK. Le conseil dont le pasteur fait partie. Automatiquement, okay. Puis aussi un ancien. Okay. Mais du côté administratif. Ça, c'est le CA. Ça peut être c'est un conseil administratif. Là, okay. Ça peut être n'importe qui. Okay. Hommes, femmes, n'importe qui peut être dessus, okay. Parce que c'est le côté administration. C'est ça. Absolument, ça devrait être fait avec les diacres. De fait, c'est ça. Mais le conseil des anciens devrait s'occuper seulement du côté spirituel, dans ce sens-là. C'est, leur, c'est leur mandat, ça. Ouais, ouais, ouais. Dans notre constitution, ici, on a spécifié qu'on avait deux conseils. Un conseil spirituel et un conseil administratif. Okay. Le conseil spirituel est formé seulement que des anciens. Mais regarde, comme vous êtes une église de. Vous n'êtes pas tellement, là? Non, j'ai pas 15 membres aussi. OK. Ah, ouais? 15 membres? Je pensais que c'était plus. Pas plus que ça? Non. Je pense qu'on n'est même peut-être pas 15 membres, là, vraiment actifs, je dirais. On est plus que ça le dimanche? Oui, mais c'est parce que c'est pas tous des membres. Non, des membres. Mais je parle des membres. Je parle des membres. Mais on est. Donc, on va arrêter cela. On continuera la semaine prochaine.